La cérémonie d'ouverture de l'exposition de photos consacrée à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée sous thème « Le soleil et le mouvement féminin de Corée » s'est tenue le 10 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les officiels intéressés, les permanents de l'Union des femmes et les membres de l'Union. Y étaient exposées des photos présentant les exploits révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il, du maréchal Kim Jong-un et de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, ainsi que plus de 150 photos montrant la vie heureuse des femmes coréennes.